ne suis pas fini, je ne suis pas fini, je ne suis pas fini, amour mami, oh, tu ne m'as pas fini, amour mami, oh. Raymond Kabanda, Bonheur Justin, écoutez-moi ça. Je ne suis pas fini, je ne suis pas fini, tu ne m'as pas fini, amour mami, oh, je ne suis pas fini. Beau garçon, mon gars, mon goé, ma tape au déné, ma maoua l'autre, ma la mède pour les tigres, ma si mède pour sa moumie, n'a nous mède ton n'est pas l'oré, je ne suis pas fini, amour mami, oh, tu ne m'as pas fini, amour mami, oh. Je ne suis pas fini, amour mami, oh, tu ne m'as pas fini, à coco. Et Jambiez, les jeunes de coco, Banaba FTB, Venise et Petit Mon Ambana, Otaki à Longue Yamba, Wassini SSD. Tu as voulu les enfants, je te les ai donnés. Di bongo la bu di mapuka pende owa Oni wasa pende jomie Joma ebole Tu m'as fait des enfants, tu t'en occupes pas Na maloma mwenji no biye na e a koko Je ne suis pas fini, amou mami yo Tu ne m'as pas fini, a koko Je ne suis pas fini, amour mami yo. Tu ne m'as pas fini, amour mio. Maman Bomé de Mika, Moumi Apulata Owa, Dede Wambusa, Kassono Lima Poupé, Bombo Bandomi. Bobby.